quatre heures qui sonne au clocher. Là j'ai bien peur qu'il faille aller me coucher. Je ressors de l'auberge direction l'arbre mort, pas l'ombre d'une jeteuse de sort. Se frôler s'entrecroise, ce sont des chiroptères qui me coiffent au passage d'un souffle d'air sur le visage. Comme il a plu, que le sol est mou, mes mocassins font des trous ronds dans la boue. Un coup d'œil en arrière, soudain je comprends tout. Mes traces de pas sont celles d'un loup. La nuit s'achève, ma balade aussi. J'ai retrouvé la pierre où j'étais assis. Elle n'est plus tout à fait où je l'avais laissée. Je n'ai pas rêvé, elle a pas.